des questions qui ont été posées par beaucoup de nos frères et nos sœurs. Et les réponses à ces questions, bi-idhnillah azza wa jal, constituent notre discours d'aujourd'hui. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل وأن يبارك في وقتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله, lorsque les gens du paradis, أهل الجنة, rentreront au paradis de la façon et de la manière avec laquelle nous vous avons décrit cela dans le précédent discours, chacun en fonction de ses actions, a'malihim, par les 8 portes du paradis, après avoir été accueilli d'un noble accueil par les nobles anges al-mala'ikatul kiram, ses serviteurs croyants al-mu'minoun rentreront alors au paradis, et ainsi chacun d'entre eux se dirigera vers le degré qu'Allah jalla wa ala lui aura attribué. Chacun d'entre eux se dirigera vers la demeure et le royaume qu'Allah jalla wa ala lui aura accordé. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. Allah nous dit, il les guidera et il leur améliorera leurs conditions et il les fera entrer au paradis qu'il leur aura fait reconnaître. Dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, selon Abi Saïd al-Khudri radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, par celui qui détient mon âme dans sa main, chacun au paradis fil jannah reconnaîtra sa demeure plus qu'il ne la reconnaissait dans ce bas monde ad-dunya. Chacun dans le paradis fil jannah reconnaîtra sa demeure plus qu'il ne la reconnaissait dans ce bas monde ad-dunya. Et ainsi, lorsque les gens rentreront dans ce paradis par ces 8 portes, chacun se dirigera là, en direction de son royaume ou de sa demeure, en direction de son degré. Qui est-ce qui les aura guidés? Qui est-ce qui les aura fait reconnaître cela? Innahu Allah. Ce n'est autre qu'Allah, jalla wa ala. Sayahdihim, wa yuslihu balahum, wa yudkhiluhum al-jannata arrafaha lahum. Il les guidera, il leur améliorera leurs conditions, il les fera entrer au paradis qu'il leur aura fait reconnaître. Car le paradis, ayyuha al-ikhwatul kiram, le paradis al-jannah, hiya darajatun ba'duha fawqa ba'd. Ce sont des degrés les uns sur les autres et les uns au-dessus des autres. Wa man ya'tihi mu'mina qad 'amila as-salihat fa ulaika lahum ad-darajatul 'ula. Allah nous dit, et quiconque vient auprès de lui en croyant, après avoir fait de bonnes œuvres, voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs. Voilà donc ceux qui auront les plus hauts degrés. Et Allah nous dit également, انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. Regarde comment nous favorisons les uns sur les autres. Et dans l'au-delà, il y aura des degrés et des rangs plus élevés et plus privilégiés. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui croit en Allah et à son messager, et accomplit la prière à salat, et s'acquitte de l'aumône obligatoire à zakat, Allah jalla wa ala lui fera rentrer au paradis, qu'il ait combattu dans le sentier d'Allah, ou bien qu'il soit mort dans la terre où il est né. Alors les gens dirent, pouvons-nous annoncer la bonne nouvelle, ya Rasulallah? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah jalla wa ala aura certes préparé au paradis 100 degrés à ceux qui auront combattu dans le sentier d'Allah. La distance entre 2 degrés est telle la distance entre le ciel et la mer. Puis il dit alayhi salat wa salam, et ainsi lorsque vous demandez à Allah, demandez-lui al-firdaus, car c'est certes l'endroit le plus au centre du paradis et le plus élevé, et c'est au-dessus de lui se trouve le trône du tout miséricordieux Arshur Rahman, et de cet endroit sortent les fleuves du paradis Anharul Jannah. Et le jour où Harithah radiallahu anhu fut tué lors de Ghazwat Badr, lors de la bataille de Badr, sa mère pleurait, Harithah, أم حارثة رضي الله عنها بلغة يلبى بغل مسرد الله صلى الله عليه وسلم يلودي يا رسول الله انفرم موا سي حارثة fait partie des gens du paradis أهل الجنة ainsi je ne pleurerai plus sur son sort mais si ce n'est pas le cas alors tu verras ce que je vais faire et le Habib al-Mustafa صلى الله عليه وسلم lui dit est-ce qu'un seul paradis ce sont beaucoup de degrés et il se trouve certes fil firdaus il se trouve certes au firdaus le plus haut degré et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari ainsi ayo l'ikhwatul kiram plus la personne sera pieuse dans ce bas monde ad-dunya plus la personne sera obéissante à Allah tabaraka wa ta'ala dans cette vie présente plus elle sera élevée et haute au paradis al-jannah wal-jaza'u min jinsi al-amal et la récompense est équivalente à l'œuvre effectuée. Ainsi, plus la personne sera savante dans sa religion, et plus elle appellera à sa religion, et plus elle connaîtra les prescriptions de son Seigneur et de son Créateur, Jalla wa Ala, plus son degré sera haut et élevé dans le paradis al-Jannah, et il sera plus élevé que les autres. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Et Allah est parfaitement attentif à ce que vous faites. Dans les deux recueils authentiques, selon Abi Sa'id ibn al-Khudri radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salat wa salam nous dit, les gens du paradis Ahlul Jannah observent ceux qui sont dans les étages supérieurs à eux, comme tu vois l'étoile éloignée dans le ciel, vers l'Orient ou vers l'Occident. Ceci est dû à leurs différents degrés. Et alors ils disent, Ya Rasulallah, telles sont les demeures des prophètes al-Anbiya. Personne d'autre ne les atteindra. Et alors il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, non. Walladhi nafsi biyadih. Par celui qui détient mon âme dans sa main, ce seront des hommes qui auront cru en Allah et qui auront déclaré véridique les messagers al-Mursalin. Ce seront des hommes qui auront cru en Allah et qui auront déclaré véridique les messagers al-Mursalin. Dans une version d'Al-Imam ou Ahmed avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Sa'id, radiallahu an, le messager d'Allah alayhi salat wa salam nous dit, les gens des hauts degrés sont vus par ceux qui sont en dessous d'eux, comme tu vois une planète se lever dans le ciel loin. Et Abu Bakr et Omar sont parmi eux, radiallahu anhuma. Wal-Imam al-Qurtubi rahimahullah nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala, a certes bâti le paradis al-Jannah avec des degrés différents, l'un au-dessus de l'autre, en fonction de l'action al-Amal, et en fonction de la piété al-Taqwa. Ainsi l'être humain est placé dans un degré, et plus l'être humain est élevé dans ses degrés, plus les bienfaits et les délices sont nombreux. C'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala nous a cités et a promis à ceux qui le craignent lorsqu'il nous dit dans sourate al-Rahman, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانٍ Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins. Puis à la suite de cela, il nous décrit ces deux jardins, puis il nous dit « Wa min dunihima jannatan » Et en dessous d'eux, deux autres jardins. En dessous d'eux, c'est-à-dire en dessous dans le bienfait, et en dessous dans le degré. Et dans les deux recueils authentiques, selon Abi Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Deux jardins dont les ustensiles et ce qu'ils contiennent sont en argent, et deux jardins dont les ustensiles et ce qu'ils contiennent sont en or, et ne séparent ces personnes de leur Seigneur que le rideau de sa majestuosité et de sa grandeur dans le paradis du séjour éternel. Sachez, yol ikhwatul kiram également, que le plus haut degré du paradis ne sera attribué qu'à un seul serviteur parmi tous les gens du paradis. C'est le haut degré qui ne sera attribué à un seul des serviteurs d'Allah. Innaha al-wasila. Telle est la place d'honneur du paradis. Et les compagnons as-sahabatu radiallahu anhum questionnèrent le messager d'Allah alayhi salatu wassalam et lui dirent « Ya Rasulallah, ma hiya al-wasila ? Qu'est-ce que la place d'honneur ?» Et alors il dit sallallahu alayhi wa sallam « Un degré au paradis, n'ayant point de degré au-dessus de lui, et j'espère être celui qui sera à ce degré. » Sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith est dans le musnad d'Imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Hurayrata radiallahu anhu. Et c'est pourquoi nous demandons et nous implorons Allah tabaraka wa ta'ala après chaque appel à la prière qu'il accorde ce degré à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam muslim nous rapporte un hadith selon Abdullah ibn Amr radiallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit « Lorsque vous entendez celui qui appelle à la prière, prononcez alors les paroles qu'il prononce, puis priez sur moi, car celui qui prie sur moi une fois, Allah priera sur lui 10 fois. Et demandez à Allah pour moi la place d'honneur al-wasila. C'est un degré au paradis destiné à un seul serviteur d'Allah. Et j'espère être celui-ci. Et celui qui demande pour moi la place d'honneur al-wasila, j'intercéderai en sa faveur le jour de la résurrection, yawm al-qiyam. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزق نبينا الوسيلة في الجنة. Ainsi les gens du paradis, Ahlul Jannah, se dirigeront alors vers leur degré, se dirigeront alors vers leur demeure, jusqu'à ce qu'arrive le dernier d'entre eux. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et Allah n'est injuste envers personne. Le dernier d'entre eux, le dernier des gens du paradis, c'est un homme, ayol ikhwa, comme nous l'a décrit le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand dans un hadith rapporté par l'imam muslim, selon Al-Mughirah ibn Shu'bah radiallahu an, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Moussa alayhi salam demanda un jour à son Seigneur et lui dit, ô Seigneur, qui sera au plus bas degré du paradis? Qui sera au plus bas degré du paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah jalla wa ala répondra et dira, lorsque les gens du paradis Ahlul Jannah entreront au paradis, on dira à cette personne, c'est-à-dire au dernier du paradis, entre au paradis. L'homme lui répondra alors, comment est-ce que je pourrais rentrer, vu que tous les gens sont déjà entrés dans leur demeure? Et alors on lui dira, serais-tu satisfait si tu possédais le royaume d'un roi du bas monde ad-dunya? Et alors l'homme répondra, je serai satisfait au Seigneur. Et alors on lui dira, et alors Allah lui dira, tu as certes cela, et encore cela, et encore cela, et encore cela, jusqu'à la 5e fois où l'homme dit alors, je suis satisfait au Seigneur. Et Allah tabaraka wa ta'ala dira alors, tu as encore cela, et 10 fois plus encore, et tu auras ce que tes yeux savoureront, et ce que ton âme désirera. L'homme dira alors, je suis satisfait au Seigneur. Moussa alayhi salam, lorsqu'il entendra cela, il dira à son Seigneur, ô Seigneur, celui-ci est celui qui aura le plus bas degré du paradis. Alors qu'est donc celui qui aura le plus haut degré? Alors Allah tabaraka wa ta'ala lui répondra, ceux-là sont ceux que j'ai choisis. J'ai planté de mes propres mains leurs dons, des dons qu'aucun œil n'aura vu, et qu'aucune oreille n'aura entendu, et qu'aucun esprit n'aura imaginé. Et il dit, et ce qui prouve cela dans le livre d'Allah Azza wa Jal, la parole d'Allah, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Ainsi, celui qui est au plus bas degré du paradis, ayyuhal ikhwatul kiram, d'après ce hadith, aura plus que 50 fois le royaume d'un roi de ce bas monde ad-dunya. فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Mais la personne se doit d'avoir un haut but. La personne se doit d'avoir une ambition élevée lorsqu'il demande à Allah le paradis al-Jannah. Comme ceci est cité dans le Mu'jam d'At-Tabarani, avec une chaîne de transmission authentique, comme nous le dit Cheikh Al-Albani. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, lorsque vous demandez à Allah le paradis al-Jannah, demandez-lui alors al-Firdaus, car c'est lui l'origine du paradis. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Tabarani et authentifié par Cheikh Al-Albani. Alors, ya Abdallah, est donc un but élevé, est donc une ambition haute, et ne demande pas le plus bas degré, mais demande à Allah al-Firdaus. Tu obtiendras peut-être ce degré. فَنَسْأَلُ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَىٰ أَنْ يَرْزُقَنَا الْفِرْدَوْسِ إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ. Ainsi c'est comme cela, yu al-Ikhwa, que rentreront les gens du paradis Ahlul Jannah. Chacun dans son royaume, chacun dans son palais, chacun dans sa demeure, chacun dans sa tente. Alors imagine-toi, ayu al-Akhi al-Karim, imagine-toi, ayyatu al-Ukhti al-Muslima, imagine-toi maintenant, alors que tu es entré dans ton château, alors que tu es entré dans ta tente, ou dans les tâches qu'Allah Jalla wa Ala t'a réservées, en récompense de ta foi imanuk, en récompense de tes bonnes actions, amaluka salih, ton œil alors regarde, ton œil alors observe, ton œil alors aperçoit, et ton œil alors croise des choses magnifiques, ton œil verra alors des divans élevés, des coupes posées, des coussins rangés, des tapis étalés, tu verras des divans de brocart et de soie. Tu verras des coussins rangés et organisés d'une manière à couper le souffle et à faire entrer dans ton cœur le bonheur et la joie. فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Il y a là des divans élevés et des coupes posées et des coussins rangés et des tapis étalés. Pour ceux qui désirent s'asseoir, pour ceux qui désirent s'installer, ces divans et ces coussins ont été préparés aux serviteurs d'Allah, les pieux et les muttaqoun. Lorsque tu rentreras, ya Abdallah, tu voudras t'installer alors. Tu voudras t'asseoir et te placer sur ces divans et sur ces canapés, afin d'oublier tout ce que tu auras vécu comme fatigue et comme galère dans ce bas monde. Afin d'oublier toutes les atrocités, tous les tourments et toutes les afflictions de ce jour de la résurrection, yaoum al-qiyama. Muttaki'in ala furushin bata'inuha min istamraq. Ils seront accoudés sur des tapis doublés de trocars. La doublure de tapis est faite de brocards. Doublée de brocards. La doublure du tapis est faite de brocards. Ibn Mas'oud radiallahu anhu nous dit, et d'autres, si la doublure est de brocards de soie cousue avec de l'or, alors qu'en est-il du dessus du tapis? Muttaki'in ala furushin bata'inuha min istabarak. Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocards. Wajan al-jannatayn dan. Et les fruits des deux jardins seront alors portés pour être cueillis. Tu viendras alors pour te coucher sur ces divans. Tu viendras alors pour t'installer sur ces fauteuils, toi et tes frères qui t'auront visité. Tes frères qui te rendront visite, car les gens du paradis, Ahlul Jannah, se rendent visite. Ainsi, afin que vous vous asseyiez et que vous installiez dessus, et afin de vous voir, et afin que les discussions commencent, et afin que les souvenirs se ressassent, comme nous l'a dit le Seigneur des cieux et de la terre, Rabbul Ardi wa Sama, il nous dit, Tabaraka wa Ta'ala, wa aqabala ba'duhum ala ba'di yatasa'aloun. Et ils se tourneront les uns vers les autres s'interrogeant. Ils diront, nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte d'Allah. Allah nous a favorisés et il nous a protégés du châtiment de Samoum, du châtiment du supplice de l'enfer. Nous étions auparavant en train de l'invoquer. C'est lui certes le charitable et le très miséricordieux. Et Allah Jalla wa Ala nous a également décrit un autre témoignage des gens du paradis, Ahlil Jannah, en se remémorant cette vie éphémère de ce bas monde ad-dunya. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Puis les uns se tourneront les autres vers les autres s'interrogeant mutuellement. Qala qa'ilun minhum, inni kana li qarin. Yaqulu a inna kala min al-musaddiqin. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. L'un d'entre eux, c'est-à-dire l'un des gens du paradis, dira, j'avais certains compagnons qui disaient, es-tu vraiment parmi ceux qui croient? Est-ce que lorsque nous mourrons et serons poussière et ossements, nous aurons à rendre des comptes? قَالَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ. قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ. Il dira alors, est-ce que vous voudriez regarder d'en haut? فَاطَّلِعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. Alors il regardera d'en haut, il le verra en plein dans la fournaise. قالت الله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. Il dira par Allah, tu as bien failli causer ma perte, et sans le bienfait de mon Seigneur, j'aurais certainement été du nombre de ceux qu'on traîne au supplice. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. N'est-il pas vrai que nous ne mourrons que de notre première mort et que nous ne serons plus châtiés? إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. C'est certes là le grand succès, et c'est pour une chose pareille que doivent œuvrer ceux qui œuvrent. Ainsi, ils se remémoreront ainsi, et ils se rappelleront, ils se souviendront de ce qu'ils vécurent dans cette vie de ce bas monde ad-dunya, de la patience qu'ils ont dû avoir quant à ces difficultés et à ces fatigues. Ils se rappelleront ainsi de leurs épreuves et de leurs tests. Et à ce moment, ayyuhal ikhwatul kiram, ils comprendront alors, et ils saisiront alors, et ils sauront désormais alors avec conviction que ce bas monde ad-dunya dans lequel ils vivaient n'était qu'un mirage trompeur. Que ce bas monde ad-dunya n'était qu'une épée tranchante. Ils auront avec conviction désormais, à ce moment-là, que leur foi en Allah, al-Iman billah, et que leurs bonnes actions, al-Amal al-Salih, n'étaient pas de vaines actions, mais qu'ils étaient pour eux des protections contre le feu an-nar, et pour eux des ascensions vers le paradis al-Jannah. Ils se remémoreront alors tout cela. Et ils se rappelleront alors, c'est comme cela qu'ils s'installeront, et qu'ils s'asseyront, et qu'ils discuteront. Et de ce que tu porteras, ya Abdallah, de ce que tu porteras comme habit, comme vêtement, de l'or al-dahab, de la soie al-harir, de l'argent al-fidda. يقول الله تبارك وتعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Certes, Allah fait entrer ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres dans des jardins où coulent des ruisseaux. Là, ils seront parés de bracelets d'or et de perles, et leurs vêtements y seront de la soie. Comme ils se sont interdits de porter de la soie al-harir et de l'or al-dahab dans cette vie de ce monde al-dunya, car Allah Jalla wa Ala a interdit l'or et la soie aux hommes de cette communauté et l'a autorisé aux femmes. Allah Jalla wa Ala les a récompensés de par leur patience, et de par leur endurance, et de par leur obéissance et leur soumission, et il les habillera des habits des gens du paradis, de soie et d'or. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. Et leurs vêtements y seront de soie. Et Allah nous dit également, أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدَنٍ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ. Voilà ceux qui auront les jardins du séjour éternel, sous lesquels couleront des ruisseaux. جنات تجري عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Ils seront parés de bracelets d'or et se vêtiront d'habits verts et de soie fine et de brocart accoudés sur des divans bien ornés. Quelle bonne récompense et quel bonheur! Des couleurs stupéfiantes, ayol ikhwa, à faire perdre la raison et l'esprit. Et comme nous dit Allah Jalla wa Ala, عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Ils porteront des vêtements verts, de satin et de brocart. Et ils seront parés de bracelets d'argent, et leur Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا. Quelle bonne récompense et quel bonheur, ayol ikhwa. Même les mouchoirs, ayol ikhwa. Même les mouchoirs des gens du paradis Ahlul Jannah, qu'ils utiliseront pour s'essuyer le visage et les mains, seront plus nobles et plus valeureux que les meilleurs habits de ce bas monde ad-dunya. Comme ceci a été rapporté dans le recueil authentique d'Al-Imam Al-Bukhari, selon Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu, il nous dit, on amena un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam un habit en soie. Et alors les compagnons commencèrent à se mirent à s'étonner de sa beauté, de la beauté de cet habit et de sa douceur. Et alors Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam dit, certes les mouchoirs de Sa'd ibn Mu'ad au paradis fil jannah sont meilleurs que ceci. Fallahu Akbar. Ce sont des habits qui ne s'useront jamais. Comme nous le dit le prophète alayhi salat wa sallam, leurs habits ne s'useront pas, leur jeunesse ne se terminera pas, ces habits ne se détérioreront jamais, et ils seront notamment habillés avec des bracelets en argent. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُدْرٌ وَإِسْتَبَرَقٍ. Ils porteront des vêtements verts de satin et de brocart. Ils s'habilleront des plus beaux habits en récompense de ce qu'ils effectuaient dans ce bas monde ad-dunya. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ils s'habilleront des plus beaux habits, ayol ikhwatul kiram. Parmi les choses que tu porteras, ya Abdallah également, si tu atteins ces hauts degrés, une couronne, comme nous l'a informé le prophète alayhi salat wa salam. Lorsqu'il cita sallallahu alayhi wa sallam les bienfaits qu'obtiendra le martyr al-shahid dans le sentier d'Allah fi sabilillah, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, et on placera sur sa tête la couronne de la dignité, une seule de ses perles est meilleure que cette vie de ce bas monde ad-dunya et ce qu'elle contient. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et authentifié par Sheikh al-Albani selon al-Miqdad ibn Ma'di al-Karib radiallahu anhu. Et parmi ceux qui porteront cette couronne, celui qui aura appris à son fils le livre d'Allah Azza wa Jalla, le Coran, dans Al-Mustadrak d'Al-Imam Al-Hakim, authentifié dans les conditions d'Al-Imam Muslim et accepté par Sheikh Al-Albani selon Buraydah radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, celui qui lit Al-Quran et qui l'apprend et qui a fait ce qui lui est commandé, et ceci est la condition, ayol ikhwa, cela ne suffit pas d'apprendre et de lire le Coran, mais il faut œuvrer et appliquer ce qui est commandé. Celui qui lit Al-Quran et qui l'apprend et qui applique ce qui y est commandé, on habillera ses parents d'une couronne de lumière. La lueur de cette lumière sera telle le soleil Hashems. Puis Allah les habillera de deux habits. Ce bas monde ad-dunya ne vaudra pas ces deux habits. Na'am ayol ikhwatul kiram. Et alors ses parents diront alors, pourquoi et par quelle raison avons-nous été habillés de ces deux habits? Et alors on leur dira, de par votre apprentissage à votre enfant du Coran. Apprends donc à ton enfant le Coran, ya Abdallah. tu obtiendras certes cette couronne et tu seras habillé par le miséricordieux Ar-Rahman de ses vêtements. Et ne lui apprends pas ainsi des choses futiles et stupides, car Iwallah, ce sont les signes de la duperie et de la tromperie. Les gens du paradis, Ahlul Jannah, Ayyuhal Ikhwa, se coifferont les cheveux, se parfumeront, leur peigne sera en or. Lorsqu'ils rôteront, l'odeur sera du musc. Leurs encens seront faits à partir du meilleur bois. Alors qu'en est-il de ce que l'on mettra avec? Parmi les gens du paradis, Ahlul Jannah, Ayyuhal Ikhwa, ces gens du paradis, lorsqu'ils désireront manger ou boire, ils ne se fatigueront pas, ils ne se déplaceront pas, mais on se déplacera pour eux. Ce jour-là, tu seras servi, Abdallah. Ce jour-là, tu seras servi par un serveur, et quel serveur? Un serveur avec une beauté jamais vue. Yatufu alayhim wildanum mukhalladun, idha ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Et parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Lorsque tu les verras, tu les prendras pour des perles éparpillées. Dans leur grand nombre, et dans leurs beaux visages, et dans leurs beaux habits, des garçons éternellement jeunes, des créatures d'Allah Azza wa Jal. Allah Jalla wa Ala les aura créés dans le paradis Al-Jannah, comme il aura créé les femmes du paradis, les houris. Et ce ne sont pas les enfants des associateurs qui sont morts en bas âge, d'après la parole la plus probable des savants. Comme nous le dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Ainsi les gens du paradis Ahlul Jannah rentreront au paradis comme nous l'avons dit, et ils auront la taille de leur père Adam alayhi salam, et la beauté du prophète Yusuf alayhi salam, et le cœur du prophète Ayyub alayhi salam. Quant aux enfants et quant aux garçons éternels, ce sont des créatures parmi les créatures d'Allah, et ils seront là pour te servir. Tu n'auras ainsi pas à te fatiguer. Et il faut là également, ya l'ikhwa, parler d'un cas important, qui est que les gens du paradis Ahlul Jannah ne mangeront pas par faim et ne boiront pas par soif, car il n'y a au paradis ni faim ni soif, car la faim et la soif sont deux souffrances, et il n'y a pas de souffrance dans le paradis Al-Jannah, comme nous le dit l'imam Al-Qurtubi, rahimahullah. Les gens du paradis Ahlul Jannah ne mangeront pas par faim et ne boiront pas par soif et ne se parfumeront pas à cause de mauvaises odeurs, mais ce seront des plaisirs qui se suivront et des délices qui s'enchaîneront, des plaisirs qui se suivront. Ne vois-tu pas la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il s'adresse à Adam alayhi salam et qu'il lui dit inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha. Car tu n'y auras pas faim et tu ne seras pas nu, et tu n'y auras pas soif et tu ne seras pas frappé par l'ardeur du soleil. Tu n'auras pas faim dans le paradis Al-Jannah, ya Abdallah. Tu ne seras pas déshabillé, tu n'auras pas soif, tu ne seras pas touché par la chaleur, apparente ou cachée, mais ce seront des bienfaits successifs, mais ce seront des délices nombreux, car Allah Jalla wa Ala sait ce que les gens du paradis désirent, car Allah Tabaraka wa Ta'ala sait ce qui les rendra heureux et joyeux, et ainsi il leur aura préparé mieux que ce qu'ils avaient dans ce moment d'Adnounia, et il n'y a certes pas même lieu de comparaison. Ainsi les gens du paradis Ahlul Jannah mangeront alors, et boiront. Que mangeront-ils? Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam dit, car ayyuha al-ikhwatu al-kiram al-habib al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il décrivait le paradis al-jannah, les coups des compagnons se dressaient pour mieux voir et mieux comprendre. Naram, les oiseaux se posaient sur les compagnons as-sahaba, tellement ils étaient concentrés et silencieux. Car le cœur de ce peuple al-qawm était accroché au paradis al-jannah, était accroché à ce qu'Allah Jalla wa Ala a préparé dans la demeure dernière, al-akhirah. Et ainsi, ils n'étaient pas dans un paradis dans cette vie de ce bas monde ad-dunya. Mais nous avons certes peur de faire partir de ceux dont la récompense de leurs bonnes actions soit dans cette vie de ce bas monde. A'adana Allahu minan nar. Ainsi, le prophète alayhi salatu wa salam décrivit le paradis d'une description stupéfiante et détaillée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut certes questionné sur toutes les choses, et il répondit alors à toutes ces questions sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Salam radiallahu anhu le questionna, et le hadith est dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari. Il dit, ya Rasulallah, quelle est la première chose que les gens du paradis mangeront? Quelle est la première chose que les gens du paradis Ahlul Jannah mangeront? La première chose qui leur sera servie? Et alors il répondit sallallahu alayhi wa sallam, du surplus de foie de poisson. Du surplus de foie du poisson. Al-ulama rahimahullah disent, ce surplus se trouve dans la partie supérieure du foie et son goût est parmi les goûts les plus délicieux. Seul Allah Jalla wa Ala connaît son goût. Et il fut questionné sallallahu alayhi wa sallam, et la version est rapportée dans l'imam Muslim. Il dit, que mangeront-ils après cela? Et alors il répondit sallallahu alayhi wa sallam, on égorgera un taureau du paradis qui broutait aux côtés du paradis. Et il dit alors, et que boiront-ils après cela? Et il répondit, ils boiront d'une rivière nommée Salsabil. Ils mangeront alors, ils prendront plaisir, ils se feront plaisir. Ils auront notamment d'autres plats que seul Allah Jalla wa Ala connaît. وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ Et des fruits de leur choix, et toute chair d'oiseaux qu'ils désireront. Et ils boiront ainsi, ils mangeront, et ils se feront plaisir, et ainsi on les appellera, et on s'interpellera, et on les écrira alors, et on leur dira, كُلُوا وَشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés, de par ce que vous faisiez, de par ce que vous œuvriez. Et ils mangeront alors, et ils boiront, et ils prendront plaisir à cela. Mais le plus étonnant, ayol ikhwatul kiram, le plus étonnant est que les garçons éternels, lorsqu'ils iront voir les gens du paradis dans leur demeure, et dans leur château, ou bien dans leur tente, avec toutes sortes de nourriture, et avec toutes sortes de boissons, ils viendront avec cela dans des ustensiles et des récipients, et wallahi, étonnants et étranges. Des ustensiles, des récipients d'or et d'argent. Comme nous le dit Allah, tabaraka wa ta'ala, yutafu alayhim bi ka'sim min ma'in, bayda'a laddatin li sharibin, la fiha ghawlun wala hum anha yunzafoun. On fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes. Il y aura pour eux tout ce que les âmes désirent. Yutafu alayhim bi aniyatin min dhahabin wa akwab. يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ On fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes. وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسِ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Il y aura là pour eux tout ce que les âmes désirent et ce que réjouit les yeux et vous y demeurerez éternellement. Tels sont les ustensiles et les récipients des gens du paradis. Car lorsqu'ils ont obéi à l'ordre de leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, et lorsqu'ils se sont privés de manger avec des ustensiles et des récipients d'or et d'argent dans ce monde ad-dunya, Allah Jalla wa Ala les a récompensés de la même sorte. Wal jaza'u min jinsi al-amal. Dans les deux recueils authentiques selon Umm Salama radiyallahu anha, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, celui qui mange avec des ustensiles et des récipients d'or et d'argent, ne serait-ce qu'une cuillère ou qu'une fourchette ou qu'un couteau, celui qui mange avec des ustensiles d'or et d'argent aura le feu de l'enfer qui coulera dans son ventre. Et dans la version de Hudayfa radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, ne portez point de la soie ni du brocard, et ne buvez pas dans les verres d'or et d'argent, et ne mangez pas non plus dans ce type de plat, car ils sont pour eux dans ce bas monde, et pour vous dans l'au-delà al-akhirah. Car ils sont pour eux dans ce bas monde, et pour vous dans l'au-delà al-akhirah. Et les gens du paradis Ahlul Jannah boiront. Et que boiront-ils? Ils boiront de nombreuses boissons. Ils boiront du miel al-asal. Et du lait al-laban, et du vin al-khamr, et de l'eau ghayra asim, de l'eau qui n'est pas malodorante. Jaza'an wifaqa, telle est une rétribution équivalente, comme nous le dit Allah Jalla wa Ala, yutafu alayhim bi ka'sim min ma'in. On fera circuler entre eux une coupe d'eau remplie à une source. Bi ka'sim min ma'in, bayda'a laddatin li sharibin, blanche et savoureuse à boire. La fiha ghawlun wa la hum anha yunsafoun. Elle n'offusquera point leur raison et elle ne les enivrera pas. Naam, ils n'auront pas mal à la tête après avoir bu cette boisson. Ils n'auront pas mal à leur esprit et à leur raison après avoir bu cette boisson. Ils ne perdront pas la raison car le vin du paradis, Khamrul Jannah, n'amène que du plaisir. Il ne fait pas perdre la raison et que ne cause pas ce que causent les alcools de ce bas monde ad-dunya. Al-Imam al-Dahhak rahimahullah nous dit et nous rapporte ce que Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit. Il dit à Ibn Abbas, Khamr al-dunya, l'alcool de ce bas monde, cause le vomissement et l'urine, ainsi que le mal de la tête et la mauvaise odeur. Et Allah Jalla wa Ala a évoqué Khamr al-jannah, l'alcool du paradis, et l'aura préservé de tout cela. Ils boiront ainsi, et ils mangeront ainsi, jaza'an bima kanu ya'maloun, récompense de ce qu'ils effectuaient auparavant. Fanas'alullah tabaraka wa ta'ala, bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Allah yahriman al-jannah, innahu wa liyudhalika wal qadiru alayh. Et en tenant ces propos, j'implore le pardon pour Allah, pour moi ainsi que pour vous. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah. Wa salatu wa salamu ala man la nabiya ba'dah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. C'est comme cela, ayyuha al-ikhwatul kiram, que les gens du paradis Ahlul Jannah goûteront aux meilleures boissons et aux meilleures nourritures. Et nous avions certes dit que ce sont les garçons éternels qui les serviront. Ils les serviront de ces nourritures et de ces boissons dans des ustensiles et des récipients d'or et d'argent. يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ وَقَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. Et l'on fera circuler des récipients d'argent et des coupes cristallines en cristal d'argent dont le contenu aura été savamment dosé. C'est-à-dire que le verre dans lequel le rapproché d'Allah boira aura la quantité qu'il désirera, ni plus ni moins. Quant aux fruits des gens du paradis, ils mangeront de ces fruits. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. Et des fruits abondants, ni interrompus, ni défendus. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront c'est bien là ce que nous avons été servis auparavant. Et les savants dirent que la ressemblance qu'ils ont fait de ces fruits dans ce bas monde ad-dunya est dans la forme. Mais quant au goût, les fruits du paradis al-jannah n'auront absolument pas le même goût que ceux de ce bas monde ad-dunya. Et les fruits n'ont pas de saison comme ceux de cette vie. Ainsi, il n'y aura aucune difficulté de les cueillir comme dans ce bas monde ad-dunya. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. Et ces ombrages les couvriront de près, et ces fruits inclinés bien bas à portée de leurs mains. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam se leva afin d'effectuer la prière de l'éclipse, et le hadith est rapporté selon Ibn Abbas dans les deux recueils authentiques, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, Ibn Abbas fit cela, et il allongea sa main lors de la prière, puis il recula là. Et lorsqu'il termina la prière, les compagnons lui dirent, « Ya Rasulallah, nous t'avons vu essayer de prendre quelque chose à cet endroit, puis nous t'avons vu reculer, qu'est-ce cela ?» Et alors Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam dit, « Ra'aytul Jannah, j'ai vu le paradis. » On lui montra le paradis sur le mur. « Ra'aytul Jannah, j'ai vu le paradis. J'ai alors voulu prendre une grappe de raisin. Si je l'avais pris, vous en auriez mangé jusqu'à la fin des temps. » Si je l'avais pris, vous en auriez mangé jusqu'à la fin des temps. فَصَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Et ceci concerne les fruits du paradis al-Jannah, de sa nourriture et de sa boisson. Et si quelqu'un nous dit, est-ce que lorsqu'ils mangeront et ils boiront, ils urineront et ils déféqueront? Il n'y a pas d'urine dans le paradis, ayyuha al-ikhwa. Il n'y a pas de besoin, il n'y a pas d'éternuement, il n'y a pas de crachat. Comme nous le dit le prophète alayhi salatu wassalam, ils n'urineront pas, et ils ne déféqueront pas, et ils ne cracheront pas, et ils n'éternueront pas. Et leur sueur aura l'odeur du musc. Allahu Akbar. Et si nous voulons décrire, ayyuha al-ikhwa, les femmes des gens du paradis, si nous voulons parler des femmes du paradis, ayyuha al-ikhwa tul kiram, le fait de parler d'elles, ayyuha Allah, fait perdre la raison et l'esprit. Inna lil muttaqina mafaza. حدائق وأعناب وكواعب أترابا. Pour les pieux, ce sera une réussite. Jardins et vignes et des belles au sein arrondis d'une égale jeunesse. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. C'est nous qui les avons créées à la perfection. Nous les avons faites vierges. Celui qui les a créées n'est autre qu'Allah Jalla wa Ala. Il les aura créées au paradis Al-Jannah pour les gens du paradis Ahlul Jannah. إنا أنشأناهن إنشاء. C'est nous qui les avons créés à la perfection. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارَ. Nous les avons faites vierges. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. Et qu'avant eux, aucun homme ni djinn ne les aurait touchés. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارَ عُرُوبًا أَتْرَابًا. Nous les avons faites vierges et gracieuses, tous de même âge. Et la femme عُرُوب est la femme qui aime son mari de la meilleure façon. عُرُوبًا أَتْرَابًا. Gracieuse et toute de même âge. لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ. Pour les gens de la droite. Et Allah nous dit également, وَحُورٌ عِينٌ. Et ils auront des houris aux yeux grands et beaux. Et houri vient du mot hur. Et hur signifie la personne aux yeux très noirs. Et عِين est le pluriel de عَيْنَ, qui est la personne aux grands yeux. وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونَ. Pareil à des perles en coquille. Des houris aux grands yeux grands et beaux, et ses yeux sont pareils à des perles en coquille. Telle une perle n'ayant jamais été touchée. ou bien ces houris sont pareils à des perles en coquille. Lam yatomithunna insun qablahum wa la jinn, qu'avant eux aucun homme ni djinn n'aura touché ou défloré. Fihinna qasiratu at-tarf, lam yatomithunna insun qablahum wa la jinn, ils y trouveront des houris au regard chaste, qu'avant eux aucun homme ni djinn n'aura touché. Fabi ayy ala'i rabbikuma tukadhiban, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Ka'annahunna al-yaqut wal marjan, elles seront aussi belles que le rubis et le corail. فَبِأَيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Ils y trouveront ainsi des houris au regard chaste, dans les tentes et dans les châteaux. Au regard chaste signifie qu'elles ne regarderont que leur mari. Imagine-toi, ya Abdallah, tu regardes à droite et à gauche, tu observes et tu remarques les délices du paradis, tu observes et tu remarques les bienfaits du paradis, puis tu la regardes, elle ne regarde que toi. Elle n'a de plaisir qu'en te regardant. فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَاللَّهُ أَكْبَرُ. Et dans les deux recueils authentiques selon Abi Hurayra radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam cita les gens du paradis et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, à chacun d'eux deux femmes. On voit les nerfs des os de ses jambes en dessous de sa chair, de par sa beauté. On voit les nerfs des os de ses jambes en dessous de sa chair, de par sa beauté. Et dans la version de Anas radiallahu anhu, dans les deux recueils authentiques, le prophète alayhi salatu wa salam dit, si une femme du paradis regardait d'en haut le peuple de la terre, elle illuminerait de son regard le ciel et la terre de lumière. Et elle emplirait le ciel et la terre de son parfum. Et son voile est certes plus noble et plus valeureux que ce bas monde et ce qu'il contient. Elle est destinée à qui, ayol ikhwa? Elle est destinée à celui qui aura obéi à Allah Jalla wa Ala. Telles sont les femmes pures. Elles n'urinent pas, elles ne défèquent pas et elles n'ont pas de règles de menstrues. Pas d'urine, pas de défection, pas de menstrue, pas d'odeur, rien de tout cela. Lahum fiha azwajun mutahhara. Elles auront là des épouses pures. Ils auront là des épouses pures, purifiées de tout cela. Lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Et là, ils y demeureront éternellement. Et leur cas était très étonnant, et yol ikhwa. Leur cas est très étonnant, et wallah, elles seront belles et jalouses. Comme ceci a été cité dans le Mousnad d'Imam Ahmed avec une chaîne de transmission authentique. Selon Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, une femme de ce bas monde ad-dunya ne nuit pas à son mari dans ce bas monde ad-dunya. Lorsqu'elle nuit à son mari, elle ne le nuit pas sans que sa femme au paradis ne dise, ne le nuit pas qu'Allah te combatte. Il n'est que temporairement pour toi et il va bientôt te quitter pour venir auprès de nous. Fala ilaha illallah. Quant à ta femme au paradis, al-Jannah, quant à ta femme de ce bas monde, al-Dunya, si elle meurt avec la foi, al-Iman, et en ayant effectué les bonnes actions, al-Amal al-Salih, Allah Jalla wa Ala la rendra encore plus belle que les houris. Si elle meurt croyante et vertueuse, tu auras alors deux femmes parmi les houris, ayol akh. Et ceci est le plus bas degré, mais le plus nombreux, car ceux qui possèdent 73 femmes sont les martyrs et shuhada. Et les prophètes, al-Anbiya, et les savants, al-Ulama. Quant au reste des gens, chacun d'eux aura deux femmes, plus la femme de ce bas monde ad-dunya. Quant à la femme de ce bas monde, Allah Jalla wa Ala lui enlèvera de son cœur la jalousie. Et il lui donnera de sa générosité et lui fera entrer dans son cœur le bonheur al-Sa'ad. Et le croyant al-Mu'min obtiendra alors comme bienfait les houris ainsi que sa femme. Mais aura-t-il la force pour cela? Na'am, al-Imam al-Tirmidhi nous rapporte avec une chaîne de transmission Hasanun Sahih. Selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, on donnera aux croyants au paradis telle et telle force afin d'effectuer les rapports avec ses femmes. Il dit, ya Rasulallah, pourra-t-il effectuer tout cela? Il répondit, na'am, il aura la force de 100 hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est certes véridique dans ses propos. Et ce qui est étonnant, ayol ikhwa, est que ces femmes chanteront pour leur mari. Elles chanteront pour leur mari. La musique était interdite dans ce bas monde ad-dunya, mais elle est autorisée dans l'au-delà. Elles chanteront pour leur mari, comme ceci est cité dans le hadith, dans le Mu'jam de Tabarani, avec une chaîne de transmission, authentifiée par Cheikh Al-Albani, selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhumah. Le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit, les femmes du paradis chantent pour leur mari avec la plus belle voix. Personne n'aura entendu cela auparavant. Et parmi ceux qu'elles chanteront, nous sommes les meilleures et nous sommes les plus belles, des femmes d'un peuple anobli qui regardent la prunelle de leurs yeux. Parmi ceux qu'elles chanteront, nous sommes les éternels et nous ne mourrons jamais. Nous sommes les apaisés et nous ne serons jamais apeurés. Ceci est pour celui, ayol ikhwa, qui aura cru en Allah Azza wa Jal, qui aura suivi les messagers al-Mursalin, qui aura œuvré dans la religion du Seigneur de l'univers, Rabbul Alamin. Alors qui d'entre vous désire ces femmes? qu'il écoute ses vers et qu'il effectue ce qui est recommandé. Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui nous dit, « Oh, celui qui désire avec une nourrice se marier, lève-toi et ne sois pas affaissé, et éduque ton âme et sois patient, et évite les gens et contredis-les, et sois seul afin d'invoquer le Tout-Puissant. Lève-toi la nuit pour prier, et sa dot sera de jeûner dans la journée, lorsque tu la verras, sa poitrine montrant, et entre ses égales en train de marcher, tu dénigreras alors ce bas monde et ce que tu imaginais. » ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Et ne tends point tes yeux vers ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux comme décor de la vie présente afin de les éprouver par cela, mais ce qu'Allah aura fourni au paradis est meilleur et plus durable. Ce qui est étonnant, ayyuhal ikhwatul kiram, également dans le paradis al-jannah, et que celui qui désire au paradis avoir un enfant, il en aura un. Comme ceci est cité dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Saïd ibn al-Khudri, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit, « Al-mu'minu fil jannah, le croyant au paradis, lorsqu'il désirera avoir un enfant, son port et son enfantement s'effectuera en une seule heure, comme il l'aura désiré. » Son port et son enfantement s'effectuera en une seule heure, comme il l'aura désiré. Et parmi les gens du paradis également, certains désireront planter des arbres. Et le prophète alayhi salatu wa sallam nous a informé. Et il nous dit, il plantera et cela poussera alors. Comme ceci est cité dans le recueil de l'imam al-Bukhari, c'est comme cela qu'ils se délecteront et qu'ils se reposeront et qu'ils se soulageront. Et le discours au sujet du paradis al-Jannah est agréable et long. Ils se reposeront ainsi les gens du paradis et ils ne se fatigueront point. Et ils ne dormiront point, car il n'y a pas de sommeil an-naum fil jannah, dans le paradis. L'imam Abu Nu'aym nous dit dans un hadith rapporté dans le Hilya, ainsi que Cheikh al-Albani dans son livre Silsilat al-Sahiha, selon Abdullah ibn Abi Awfa, radiyallahu an, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit, le sommeil an-naum akhul maut, est le frère de la mort. Et les gens du paradis ne dormiront pas. Comment cela? Allah seul sait comment. Allah Jalla wa Ala, celui qui aura créé les anges al-Malaïka, qui ne dorment pas, te fera ôter cette fatigue et ce besoin de dormir dans la vie présente à Dunya, et ainsi, il te fera ôter ce besoin de dormir dans le paradis al-Jannah. Ainsi, il n'y aura pas de sommeil dans le paradis, ni fatigue. Parmi les bienfaits également, yo l'Ikhwa, qu'Allah accordera à ses serviteurs le fait qu'ils se rassembleront tous dans un marché immense et extraordinaire et stupéfiant chaque jour du vendredi. Ainsi comme Allah Jalla wa Ala leur a interdit d'acheter et de vendre pendant le discours du vendredi al-Jumu'ah, il leur a accordé et octroyé cet extraordinaire marché. Comme ceci aura été cité dans le recueil authentique de l'imam muslim. Selon Anas ibn Malik, radiyallahu an, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam a dit, il y aura au paradis un marché, tout le monde se rassemblera chaque vendredi. L'imam al-Nawawi rahimahullah nous dit, tout le monde se rassemblera chaque intervalle de vendredi à vendredi, car il n'y aura pas de jour au paradis. Il y aura un paradis au marché. Il y aura au paradis un marché où tout le monde se rassemblera tous les vendredis. Les vents du nord souffleront alors. Cela glissera sur leurs visages et leurs habits. Lorsqu'ils rentreront chez leur famille, ils auront alors augmenté en beauté et en splendeur. Leur famille dira alors, « Et wallah, vous êtes encore plus beau qu'avant. » Et les autres répliqueront, « Et vous aussi, vous êtes encore plus belle qu'avant. » Et sachez, ayyuhal ikhwatul karam, que le plus grand bienfait du paradis al-Jannah, le plus grand bienfait parmi les bienfaits du paradis al-Jannah n'est point dans ses châteaux, n'est point dans ses demeures, n'est guère dans ses fleuves, n'est pas dans ses arbres, ni dans sa nourriture, ni dans sa boisson, ni dans ses femmes. Mais le véritable bienfait parmi tous les bienfaits du paradis al-Jannah est dans le fait de voir le visage de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَلَّا يَحْرِمَنَا هَذَا يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Allah nous dit, لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront, et auprès de nous il y aura davantage encore. Et Allah nous dit également, للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. À ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure récompense, et même davantage. La meilleure récompense, le paradis al-Jannah, et davantage al-Ziyad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué en nous disant que c'est le fait de voir Allah Jalla wa Ala dans le paradis. Ujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Wa ahlu sunnati wal jama'a, qu'Allah fasse que l'on soit parmi eux, ont la conviction, ils sont unanimes dans le fait de voir Allah Jalla wa Ala, que le fait de voir Allah Tabaraka wa Ta'ala est une chose qui arrivera aux gens du paradis. Et celui qui nie et qui conteste la vision d'Allah est certes mécréant, comme nous le dit l'imam Ahmed rahimahullah. Et non contredit Ahlul Sunnah, qu'Al Mu'tazila ou Al Khawarij et les imamites et d'autres parmi les sectes égarées. Ou l'imam Al-Tahawi rahimahullah nous dit, le fait de voir Allah au paradis est une chose vraie, sans chercher à savoir le comment du pourquoi. Et écoutez ces deux importants hadiths. Le premier est rapporté par les imams Al-Bukhari wa Muslim. Selon Abi Saïd ibn al-Khudri radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, Allah Ta'ala s'adressera et dira aux gens du paradis, Ya Ahl al-Jannah, ô vous les habitants du paradis, ils répondront alors, ô notre Seigneur, nous voici à ton service, et tous les biens sont entre des deux mains. Allah Jalla wa Ala leur dira alors, êtes-vous satisfaits? Et alors ils répondront, ô notre Seigneur, pourquoi ne le serions-nous pas? Alors que tu nous as donné ce que tu n'as donné à aucune personne avant d'autres parmi tes créatures. Alors que tu n'as donné ce que tu as donné à aucune personne d'autre parmi tes créatures. Et leur Seigneur leur dira alors, voudriez-vous quelque chose de meilleur que cela? Et alors ils répondront, Seigneur, quel est le bienfait de meilleur que tout cela? Et alors il répondra, Tabaraka wa Ta'ala, je vous accorde ma pleine satisfaction, de sorte que je ne me fâche jamais de vous. La satisfaction éternelle d'Allah sera alors accordée aux habitants du paradis Ahlul Jannah. Quant à la preuve de fait de voir Allah Jalla wa Ala dans la Sunnah, à ce que rapportent l'imam muslim ou l'imam Tirmidhi et d'autres, et c'est un hadith très authentique selon Suhayb al-Rumi radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, lorsque les habitants du paradis Ahlul Jannah rentreront au paradis, leur Seigneur les appellera et leur dira, voulez-vous autre chose? Et alors ils répondront, mais que pourrions-nous avoir de plus? Ne nous as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas sauvés de l'enfer? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis? Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le voile se retirera alors. Ils n'auront pas eu quelque chose de plus aimé pour eux que de voir leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lit alors la parole d'Allah jalla wa ala, lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. À ceux qui agissent en bien est réservé pour eux la meilleure récompense et même davantage. C'est ainsi qu'ils auront et qu'ils bénéficieront ainsi du bienfait de la vision de leur Seigneur. Le fait de voir leur Seigneur tabaraka wa ta'ala est un but pour lequel se lèvent les gens ayol ikhwa la nuit afin de prier et de pleurer, ainsi que les vertueux as-salihoun et les savants al-alimoun. Qu'Allah ne nous prive pas de cela ainsi, et les gens du paradis ayol ikhwa ahlul jannah resteront éternellement. Demeureront éternellement fil Jannah. Ainsi il n'y aura pas de mort au paradis, ni de sommeil, ils y demeureront éternellement à jamais. Et certains verront leur degré s'élever, comme celui qui a appris le Coran, ayol ikhwa. Celui qui aura appris le Coran, le livre d'Allah Azza wa Jal, dans ce moment d'ad-dunya, on lui dira, lis et monte, ta demeure sera au niveau du dernier verset que tu liras. Lis et monte et ta demeure sera au niveau du dernier verset que tu liras. Et d'autres personnes verront leur degré s'élever au paradis, grâce à une invocation qu'Allah Jalla wa Ala leur aura gardée pour le paradis, de par leur enfant pieux. Le hadith est rapporté par l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission authentique. Selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, on élèvera une personne ses degrés, il dira alors, Seigneur, d'où me vient tout cela? Il répondra alors, des invocations de ton enfant en ta faveur. Des invocations de ton enfant en ta faveur. Alors n'oubliez pas, ayol ikhwa, de faire des invocations en faveur de votre père et de votre mère, afin que vous soyez la cause de leur faire augmenter leur degré, na'am. De plus, les gens du paradis, ahlul jannah, pourront également se déplacer où ils le désireront. Ils pourront se déplacer où ils le souhaiteront dans le paradis. Faya Abdallah, ya akhil karim, tu pourras aller visiter le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam. Tu pourras aller voir les compagnons, as-sahabatu radiyallahu anhum, et les khulafa, et les savants, al-ulama, et les martyrs, al-shuhada. Et tu rencontreras également tes frères et tes bien-aimés. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut questionné, comme ceci est dans le hadith, dans Sunan al-Tirmidhi, et authentifié par Sheikh al-Albani, selon Sulayman ibn Buraydah, radiyallahu anhu, selon son père. Le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, fut questionné. Il dit, ya Rasulallah, y a-t-il au paradis des chevaux à monter? Y a-t-il au paradis des chevaux à monter? Et alors il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, si Allah te fait entrer au paradis, n'aie point peur de ne pas avoir un cheval d'émeraude rouge volant avec toi au paradis. Tu obtiendras un cheval d'émeraude rouge volant avec toi au paradis Al-Jannah. Et tu iras alors où tu veux le dire. Tu iras alors où tu le souhaites. Puis après cela, Allah Jalla wa Ala leur insufflera at-tasbih wa at-takbir wa at-tahli, la glorification, la sanctification et l'unicité comme ils respirent. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit, ceci ne sera pas une charge pour eux, ceci ne sera pas une contrainte pour eux, mais ce sera un bienfait sur un bienfait, et un délice sur un délice, car si la personne, au lieu de respirer, prononce la glorification, la sanctification et l'unicité, ceci est un plaisir pour elle. Et puis leur dernière invocation, ayol ikhwa, sera, toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, comme nous le dit Allah tabaraka wa ta'ala, da'wahum fiha, subhanaka Allahum, wa tahiyyatuhum fiha salam. Et là leur invocation sera, gloire à toi, ô Allah, et leur salutation sera salam, paix. Wa akhiru da'wahum, anilhamdulillahi Rabbil Alameen. Et leur dernière invocation sera que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Et Allah nous dit également, wa qalu alhamdulillahi alladhi adhaba anna alhazan. Inna Rabbana la ghafurun shakur. Ils diront, louange à Allah, celui qui a écarté de nous l'affliction. Notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. Alladhi ahallana dar al-muqama min fadlih, la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha l'ghoub. Celui qui nous a installés par sa grâce dans la demeure de la stabilité, où nulle fatigue et nulle lassitude ne nous toucheront. Tel est le paradis al-jannah, ayol ikhwa. Et ceci est certes peu de choses comparées à ce qui existait en réellement. Ceci est certes peu de choses comparées à ce qui existe réellement et en réalité. Ceci est certes peu comparé à ce qui existe au paradis Al-Jannah. Alors qui d'entre vous, ayol ikhwa, qui d'entre vous retroussera ses manches afin d'œuvrer pour le paradis Al-Jannah? Qui d'entre vous se mettra à travailler pour le paradis? La marchandise d'Allah est certes noble, la marchandise d'Allah est certes chère, la marchandise d'Allah est certes le paradis Al-Jannah. Croyez alors en Allah, et croyez en ses messagers, et effectuez Al-Amal al-Salih, les bonnes actions, et éloignez-vous des interdits, et demandez à Allah le pardon et les miséricordes, vous obtiendrez certes la largesse du paradis. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yadkhulin an yarzuqana al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal bimannahi wa karamih innahu wa yudhalika wa al-qadiru alayh. Nous demandons à Allah Jalla wa Ala par ses noms parfaits et ses attributs sublimes qu'il nous fasse entrer au paradis par sa miséricorde et qu'il nous fasse rapprocher de ce paradis par toute action ou toute parole. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission ou oubli ne peut provenir que de moi ou de Shaytan. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il évoque en bien dans les grandes assemblées, et qu'il accorde sa bénédiction et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et sa bénédiction à son noble messager, ainsi qu'à ses bien-aimés, ses compagnons, sa famille, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et notre dernière invocation, ayyuha al-ikhwatul kiram, que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. والحمد لله